που καθορίζεται από αυτό το πρόταγμα ισότητας, μιας ενιαίας ανθρωπότητας, μιας πολιτικής ανταγωνιστικής, μιας πολιτικής ρήξεων. Δίνω το λόγο στον Αλέν Μπαντιού για να μας μιλήσει ακριβώς για την πολιτική σήμερα. Je voudrais prendre comme point de départ de ma conférence ce qui se passe en France aujourd'hui sous le nom de Nuit debout. Nuit debout. C'est-à-dire l'occupation d'une grande place de Paris pour s'opposer au projet réactionnaire du gouvernement concernant l'organisation du travail. Je voudrais vous en parler, mais comment ? Je ne veux pas en parler en tant que participant, en tant que militant de ce mouvement, ce qu'à vrai dire je ne suis pas. Je ne veux pas non plus en parler comme un simple reportage, comme font les journalistes. Et je ne veux pas non plus être dans la figure d'un critique ou d'un juge. Je voudrais en parler de ce mouvement, Nuit debout, à partir d'une question très précise, et qui est la suivante. Quel est le rapport entre, d'une part, ce type de mouvement localisé dans l'espace, et dans le temps, ces mouvements qu'au fond on appelle communément des mouvements de masse. Le rapport entre ça et, d'autre part, le processus stratégique que on peut appeler politique, à savoir le processus d'une transformation réelle des lois du monde, que ces lois soient celles de l'économie, de la société ou de l'État. Alors, autrement dit, en quel sens un épisode qui se présente lui-même comme historique, comme une réalité concrète, rare, exceptionnelle, peut être aussi une étape de la pensée politique ? Et par pensée politique, je veux dire très simplement la pensée de la vie collective, de son existence, de ses contradictions, de ses figures. Alors, il y a sur ce point une thèse qui circule depuis longtemps. Vous la connaissez sûrement, tout simplement parce que en Grèce, il y a eu, dans les 10 dernières années, de grands mouvements de masse. Alors, cette thèse affirme que des mouvements de ce genre, des occupations de places ou des défenses de lieux symboliques peuvent modifier de manière radicale notre idée du politique. Et cette thèse va jusqu'à dire que dans ces mouvements, il y a une autre pratique du politique, voire même une suppression du politique, ou que le mouvement est une pratique non politique du politique, ou même une politique qui fait disparaître le politique. Alors, ce que je pense sur ce point, qui est un point important, c'est que le politique, comme ça, en général, ça n'existe pas. C'est une pure et simple invention de la philosophie politique moderne. Ce qui existe réellement, ce n'est pas le politique, pas même d'ailleurs la politique. Ce qui existe, ce qui entre dans la pensée et dans l'action, ce sont les politiques, au pluriel. Comprenez bien que ce que j'appelle la politique, c'est en réalité toujours le conflit des politiques. La politique, ça n'est jamais un concept simple. C'est un concept dialectique, dira le philosophe, parce qu'une politique n'existe en réalité que dans son conflit avec une ou plusieurs autres politiques. Donc un mouvement, même important, même historique, ne peut pas faire disparaître la politique. Parce que la politique qu'on prétend faire disparaître, cela n'existe pas. Il faudrait faire disparaître le conflit des politiques, ce qui est impossible, sauf en pratiquant une politique contre une autre. Alors, de ce point de vue, la faiblesse de tout mouvement de masse, c'est d'être obsédé par son unité. Cette unité, cette libre discussion égalitaire qui dissout les contradictions, qui crée un sentiment de paix, d'harmonie et de collectivité rassemblée, on croit qu'elle est démocratique, mais en réalité, elle ne l'est pas, parce qu'elle est le symétrique du côté du mouvement de ce qu'est aujourd'hui dans nos pays le pouvoir d'État, qui se dit lui aussi, comme vous savez, démocratique. Au fond, le mouvement de masse oppose l'unité absolue du mouvement, le fait qu'on est unis tous ensemble, à la prétention de l'État de représenter l'unité du peuple dans une seule politique, la politique parlementaire électorale, qui est appelée, elle aussi, démocratique. Si bien qu'on a l'opposition un peu fausse entre l'unité démocratique du mouvement, d'un côté, et le fait que l'État, de son côté, incarne l'existence d'une seule politique qui, elle aussi, se déclare démocratique. Alors je pense que tout cela ne marche pas. Et tout cela ne marche pas pour une raison simple, qui est que quand il n'y a qu'une politique, c'est qu'il n'y en a aucune. Parce que la politique, c'est toujours le conflit de plusieurs politiques. Et quand vous opposez à cette absence de politique l'unité du mouvement de masse, vous restez à l'intérieur de l'absence de politique, ce qui veut dire tout de même à l'intérieur d'un vide de la pensée et finalement d'un échec de l'action. Alors vous me direz, mais quand même, aujourd'hui, dans la démocratie parlementaire, il y a quand même plusieurs politiques. Il y a la droite et il y a la gauche. En vérité, dans le système parlementaire actuel, il faut le dire, l'existence de plusieurs politiques est une fiction. Il n'y en a en réalité qu'une. Et c'est une évidence depuis au moins les années 80 du dernier siècle, c'est-à-dire depuis 30 ou 40 ans. Les gouvernements de droite comme de gauche font la même politique, entièrement subordonnée aux intérêts de l'oligarchie capitaliste européenne et mondiale. Je propose d'appeler cette fausse politique unique, cette gestion locale des affaires de l'oligarchie, le capitalo-parlementarisme. Ce n'est pas une politique, c'est une construction étatique et gestionnaire avec un capitalisme déchaîné et des élections libérales, dont la condition est que tous les partis de gouvernement acceptent et soutiennent le capitalisme libéral mondialisé. Alors je voudrais rappeler à ce propos que la doctrine, la pratique et la pensée du capitalisme en tant que tel, c'est le libéralisme. On parle souvent aujourd'hui de néolibéralisme, mais c'est parler pour ne rien dire, parce que cela consiste à faire croire que comme c'est néolibéral, c'est différent du libéralisme pur et dur du XIXe siècle. Mais le libéralisme d'aujourd'hui, quant à ses doctrines, ses propositions, ces manières de faire, ces ennemis, ne se distinguent absolument pas de la doctrine libérale formulée et déployée à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Le néolibéralisme n'est qu'un retour au libéralisme après une période un peu secouée, un peu difficile pour le capitalisme mondial. Et alors pourquoi cette période a été un peu secouée, un peu difficile? Parce que c'est la période qui se situe entre 1917, la révolution bolchevique, et 1976, la fin de la révolution culturelle en Chine. Et il faut bien le dire, qu'est-ce qui a secoué les libéralismes pendant cette période historique? Eh bien, l'existence, à échelle mondiale, justement, d'une autre politique. On peut en penser ce qu'on veut aujourd'hui, mais le fait est que nous avons une période où il y avait non pas une politique, mais deux politiques. Telle était la disposition du monde. Et pendant cette période, en effet, les choses du libéralisme ont été un peu difficiles. On est revenu aujourd'hui à la tranquillité. Le capitalisme est débarrassé, au moins en apparence, de l'hypothèse politique communiste. Et il a trouvé, tout naturellement, sa doctrine propre, qui est le libéralisme. Les partis communistes ont disparu partout, ou à peu près, et les partis socialistes, qui se réclament souvent de ce qu'ils appellent un socialisme libéral, hein, ou un libéralisme social, se sont eux-mêmes, en fait, ralliés au consensus autour du capitalisme mondialisé. C'est une évidence. Et c'est pour cela qu'il n'y a plus, dans tout le monde occidental, qu'une seule politique, la politique libérale, c'est-à-dire, à mon avis, aucune politique. Alors, beaucoup de gens comprennent aujourd'hui, de façon plus ou moins claire, que le capitalo-parlementarisme, étant une politique unique, n'est plus une politique du tout. Mais beaucoup de gens aussi, au lieu de se tourner vers la création d'une nouvelle politique, à savoir en réalité une nouvelle politique communiste, je justifierai ce mot plus loin, ils vont plutôt du côté du scepticisme politique. C'est une autre. Vous avez deux réactions quand la politique est absente, soit le projet d'en construire une nouvelle, soit vous réfugiez au fond négativement dans le scepticisme politique. Et en vérité, même dans le mouvement Nuit debout, en France, comme dans beaucoup de mouvements aujourd'hui, comme dans les mouvements de masse très importants qui ont eu lieu en Espagne, en Grèce, en Turquie, aux États-Unis, à Hong Kong ou en Égypte, même dans ces mouvements, il y a des traces importantes de scepticisme politique. Comme le mouvement de masse croit dresser sa démocratie réelle contre la fausse démocratie du capitalo-parlementarisme, et comme il n'y a pas d'autre politique aujourd'hui, le mouvement finit par penser qu'il se dresse contre la politique unique et donc contre la politique en général. Les mouvements de masse ont toujours tendance, quand il n'y a qu'une politique, et donc en réalité aucune politique, à pratiquer eux-mêmes un scepticisme politique. Dans Nuit debout et ailleurs, on voit circuler l'idée qu'il faudrait abandonner la politique, on voit apparaître des mots d'ordre négatifs, comme « nous ne voulons pas faire de politique, pas même de nouvelle politique », et qui sont remplacés par des mots d'ordre positifs très émouvants, mais aussi très vagues, du genre « nous voulons changer la vie. Nous voulons inventer de nouvelles formes de vie. » Cette tendance antipolitique est en réalité une conséquence mal contrôlée de l'existence nulle, de l'inexistence de la politique quand règne, quand il y a la domination du capitalo-parlementarisme. Finalement, on pourrait dire ceci. Au thème « gérer les intérêts du capital », le mouvement oppose gérons notre vie. Mais en un certain sens, c'est la même chose, symétriquement, à savoir, dans les deux cas, la disparition de la politique. La vérité qu'il faut partout rappeler, c'est que c'est d'abord le monde dominant actuel, la domination libérale, c'est elle qui supprime la politique. Mais c'est aussi, il faut le dire, ce qu'ont fait, à la fin des fins, les régimes socialistes établis au XXe siècle. Avec et après Staline, ils ont dépolitisé la situation. Ils l'ont dépolitisé exactement dans le même sens qu'aujourd'hui, à savoir en centrant toute chose sur le pouvoir d'État, en identifiant politique et gestion du pouvoir d'État. Et comme l'État, dans les pays socialistes, était le maître de l'économie, ils ont même fini, paradoxalement, comme les libéraux d'aujourd'hui, par identifier politique et gestion de l'économie. Mais quand vous identifiez politique et gestion de l'économie, vous supprimez en réalité la politique. Ce qui faisait finalement que dans ces pays aussi, en particulier dans l'URSS à partir de la fin des années 30, il n'y avait plus aussi qu'une seule politique, c'est-à-dire là aussi aucune. Les États socialistes et les États parlementaires occidentaux ont eu en commun l'absence de politique remplacée par le primat de la gestion économique sous la direction d'un État dépolitisé. Nous avons depuis, à échelle mondiale, le règne de la politique unique, donc de l'absence de politique, et partout le règne du scepticisme politique. Si bien que aujourd'hui, la position antagonique réelle, la position révoltée, ce n'est certainement pas de dire plus de politique, qu'on ne nous parle plus de politique. Notre tâche devrait être au contraire de pouvoir enfin dire exactement et en vérité, enfin une politique, enfin une vraie politique, enfin un espace reconstitué de la pluralité des politiques et donc de la vive existence des politiques, existence qui a été complètement asphyxiée et annulée par le capitalo-parlementarisme en Occident et par les États-partis socialistes en Russie et finalement en Chine. Croyez-le, l'invention politique seule pourra recréer le monde réel du combat. Ce monde dont les mouvements ne sont que de sympathiques préludes. Il faut en finir avec la fausse contradiction, une absence de politique contre une autre absence de politique. Une absence du politique du côté de l'exercice de la vie personnelle et collective, contre une absence de politique du côté de l'exercice du pouvoir économique et des intérêts d'une oligarchie. Il ne faut pas, il ne faut plus s'installer dans cette contradiction. Il faut restituer l'espace réel du combat, c'est-à-dire la politique contre l'État, la politique contre le capitalo-parlementarisme. Ce qui veut dire aussi, finalement, politique contre politique. Parce que la fausse politique étatique, libérale, si elle est réellement attaquée, devra se défendre. Et pour se défendre, elle devra proposer elle-même une subjectivation politique de son existence, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle est tranquillement installée dans le scepticisme politique général. Ce qui est vrai de toute façon, c'est qu'un mouvement n'est pas par lui-même une politique. Un mouvement est quelque chose qui commence, qui finit, qui peut éventuellement avoir des mots d'ordre, mais qui n'est en définitive qu'un moment historique. Et on ne peut pas, sur ce point, confondre histoire et politique. Bien sûr, sans des moments historiques, une réinvention ou une récréation de la politique est impossible. Donc c'est vrai que l'inscription des politiques dans l'histoire suppose l'existence de vastes mouvements collectifs localisés dans le temps et dans l'espace. Je veux moi-même, par exemple, saluer les mouvements appelés les mouvements du printemps arabe comme signifiant le réveil de l'histoire. Mais attention, réveil de l'histoire ne veut pas toujours dire réveil de la politique. Un mouvement de masse peut être une précondition possible de la politique, mais il ne constitue pas par lui-même une politique. On peut même dire aujourd'hui, à partir d'exemples récents et concrets, que des mouvements historiques peuvent échouer et même se changer en leur contraire précisément par manque de politique. Un exemple très proche, c'est celui des occupations populaires de grandes places dans les grandes villes. Comme vous le savez, il y en a eu en Égypte, en Tunisie, il y en a eu en Espagne, aux États-Unis, il y en a eu en Grèce, il y en a eu de très importants à Hong Kong, il y en a eu aussi de très importants à Istanbul, à vrai dire, il y en a eu dans les dernières années dans le monde entier. Nous pouvons et nous devons, pendant comme après le mouvement parisien Nuit debout qui vient en dernier, faire le bilan de toutes ces occupations de places et de lieux, généralement bien plus nombreux et puissants que le mouvement parisien. C'est un phénomène que nous pouvons après tout étudier, puisque nous avons un nombre d'exemples importants et récents. La question intéressante pourrait s'appeler « force et faiblesse » des mouvements d'occupation des places survenus dans les 5 dernières années. Alors, l'être historique de ces mouvements, leur réalité, la sympathie qu'ils provoquent, c'est une donnée évidente. Mais nous sommes maintenant en état d'analyser ce qui s'est passé, notamment en ce qui concerne la politique. Or, nous voyons, et nous pouvons le dire calmement, que ces mouvements ont, dans l'ensemble, échoué à modifier la situation politique ou la situation étatique. Il me semble qu'on peut ajouter que cet échec ne vient pas de leur force historique, de la manière dont ils étaient constitués. Ils étaient réellement des événements. Ils proposaient réellement des formes frappantes d'unité, de durée, de démocratie interne. Leur importance était incontestable. Mais faute d'avoir engendré une nouvelle orientation politique, tactique et stratégique, orientation capable de leur survivre, tout simplement, leur fin a été aussi un moment de défaite et de retour renforcé à l'ordre étatique ancien, c'est-à-dire le retour à l'absence de politique. De ce point de vue, l'exemple de l'Égypte est particulièrement saisissant. Il est saisissant parce que le mouvement égyptien est celui qui a été le plus complexe, le plus ouvert dans sa composition sociale. Il n'a pas été uniquement un mouvement de la jeunesse, il n'a pas été le mouvement d'une seule religion, il a inventé une mixité des origines sociales, religieuses, de provenance sociale. Il a été durable et acharné. On pourrait imaginer qu'il a été au moins tactiquement victorieux en plus. Le mot d'ordre qui cimentait l'unité du mouvement était, comme vous le savez, « Moubarak dégage ». Et Moubarak a dégagé. Alors il faut méditer sur la question de savoir pourquoi maintenant on a à la tête d'un État égyptien inchangé, une dépolitisation encore plus grande qu'avant, avec le général Al-Sissi, qui est à la fois la même chose que Moubarak et quelque chose d'un peu pire que ce dernier. Comment ceci a-t-il pu arriver, compte tenu des qualités, j'y insiste, remarquables de ce mouvement ? Ce qui s'est passé est tout simplement que la seule force politique disponible à l'intérieur du mouvement, la seule force qui était non seulement historique, mais installée, greffée de longue date dans la situation, c'était l'organisation des Frères musulmans. Et que ce sont eux seuls qui étaient porteurs d'une politique venue de loin, et ce sont eux qui ont ramassé la mise politique des succès du mouvement historique. Comme il fallait bien trancher la question de l'État, tout le monde s'est démocratiquement rallié au processus électoral, lequel a donné une majorité écrasante, notamment dans les milieux populaires et ruraux, aux frères musulmans. Bien entendu, les frères musulmans ne plaisaient pas à une bonne partie des manifestants, notamment la jeunesse moderne et la classe moyenne, avide de liberté occidentale. Mais ces forces étaient dépourvues de tout projet politique indépendant et elles ont remanifesté massivement, cette fois contre le gouvernement des frères musulmans. Ainsi, l'armée s'est trouvée dotée d'une base de masse révoltée contre le gouvernement des frères musulmans et elle a pu intervenir sans difficulté, d'abord contre les frères musulmans, comme si elle comprenait le sens des manifestations nouvelles de la classe moyenne, puis contre tout ce qui bougeait encore, et finalement elle a rétabli la dictature dépolitisée comme forme de l'État. Alors vous voyez, il y a une leçon égyptienne qu'il faut retenir. La leçon égyptienne, c'est que l'unification historique d'un mouvement ne signifie pas son unification politique. Et que donc, elle ne suffit jamais à changer durablement la situation politique, ni même les façons de faire de l'État. Et elle ne suffit pas, pourquoi ? Parce que c'est très clair en Égypte, mais cela vaut partout ailleurs, notamment en France aujourd'hui, s'il n'y a pas d'unification politique du mouvement, ce qui suppose, entre parenthèses, qu'on accepte sa division, qu'on accepte des luttes internes, qu'on accepte des figures du conflit, qu'on ne soit pas obsédé par l'unité pure du mouvement, si on n'accepte pas cela, si on accepte seulement son unification concrète, historique, si on est fasciné par ce qu'on pourrait appeler sa sympathique présence vitale, n'est-ce pas ? Eh bien, ce qui crée l'apparence d'une unité peut finalement s'avérer strictement négatif. Parce que quand vous avez un mouvement qui n'est pas constitué politiquement, mais exclusivement historiquement, il est virtuellement divisé sur la question politique. Et comme il ne veut pas connaître cette division, comme il veut toujours fêter son unité, son être ensemble, il n'ouvre aucune discussion politique créatrice. Il ne se met d'accord que sur des thèses négatives. Ce point est tout à fait essentiel. Les gens qui ne sont pas unifiés sur la création politique, sur son invention positive, peuvent signer des accords, peuvent maintenir leur unité, pourvu que ces accords soient limités à des propositions qui visent leur adversaire commun. Ça ne peut pas aller plus loin. Moubarak dégage, unifiait le mouvement égyptien. C'était bien joli, sauf que les gens qui voulaient que Moubarak dégage n'avaient pas du tout la même représentation de ce que cela signifiait. Et là était le problème. Moubarak dégage ne préparait aucun avenir. Le contenu affirmatif de cette négation n'était pas partagé. Et il n'était même pas mis à l'ordre du jour pour ne pas entamer l'unité festive de l'occupation de la place. Or, je vous le dis, je crois que c'est essentiel, la politique commence quand, lorsqu'il y a une unification affirmative, laquelle ne peut jamais être unanime. Seule la négation crée l'unanimité. L'affirmation, la création, crée toujours une forme de division. Tant que vous avez une unité strictement négative, nous ne voulons plus de cela. Vous pouvez, bien entendu, être une puissante unité historique, mais sur les questions à venir, concernant l'État, la société, le régime de propriété, etc., vous allez vous diviser, vous le savez, consciemment ou inconsciemment. De là que tout mouvement a une forte tendance à restreindre ses déclarations à la part négative des subjectivités mobilisées. Mais la négation ne peut rassembler que tactiquement. Elle ne peut rassembler que dans le moment d'existence du mouvement et de son opération. Au-delà, c'est l'adversaire qui a l'avantage du pouvoir, de la politique unique, de la non-politique comme politique qui va rassembler contre le mouvement. Je voudrais vous rappeler ici une expérience française un peu lointaine, mais qui est connue. Même en France, en mai 68, les élections du mois de juin, tout de suite après le mouvement, ont donné une majorité écrasante à la réaction, une des plus grandes majorités de droite que le pays ait jamais connue. Ce sont des démonstrations dont il faut absolument retenir les leçons. L'autre exemple, qui est tout à fait différent, c'est quand, faute d'une unification politique, d'une invention politique interne au mouvement, et créée au prix de sa division, le mouvement va lui-même accepter que ses représentants reviennent finalement à la fausse politique unique. Et ça, c'est à mon avis ce qui se passe ou s'est passé en Grèce et en Espagne. Parce que Syriza et Podemos ne sont en définitive que des organisations parlementaires. Syriza en a déjà fait absolument la preuve avec la capitulation de l'année dernière. Et quant à Podemos, c'est malheureusement son programme explicite. Gérer l'État de façon un peu moins dégoûtante, un peu plus honnête que les vieux partis, sans remettre en cause quoi que ce soit des lois générales du capitalo-parlementarisme et donc de la politique unique. J'ai proposé de dire qu'en réalité, les mouvements populaires, comme les indignés espagnols, attestent principalement l'échec et la compromission de la vieille social-démocratie qui est si corrompue, ici aussi du reste, qu'on a besoin d'une social-démocratie nouvelle. Si on veut avoir une opposition parlementaire un tout petit peu plus musclée, plus solide sur ses revendications, ce qui peut ne pas être mauvais pour le maintien du consensus capitalo-parlementaire, Syriza et Podemos feront l'affaire. Ils auront été mis en selle historiquement par le mouvement de masse disparu et ils se comporteront en définitive comme des gestionnaires politiques de la politique unique dominante. Dans ces conditions, ce qui s'est finalement passé, c'est une sorte de correction ou de rattrapage dans les conditions de corruption du parlementarisme, et notamment de sa gauche, qui en Espagne, en Grèce, en vérité en partie en France, cette corruption avait atteint des proportions telles qu'il fallait quand même une relève, un remplacement, et ce sont ces produits du mouvement qui ont constitué ces relèves. Alors je vous raconte tout ça parce qu'il faut avoir présent à l'esprit cette histoire des mouvements récents, des occupations de place, du point de vue d'une question fondamentale qui est le rapport entre histoire et politique. Il faut quand même bien constater que sous couvert de démocratie ou d'hyper-démocratie, on peut s'imaginer que l'unité négative du mouvement en tant que mouvement historique suffit à le constituer comme le commencement d'une rupture politique ou d'une rupture tout court. Le bilan des mouvements montre que ce n'est pas vrai et que l'historicité de ces mouvements achoppe en réalité sur le manque pur et simple de la politique, en sorte que son destin est de se dissoudre sous une forme ou sous une autre dans le jeu dominant de la politique unique, ce qui veut dire de l'absence de toute politique et donc finalement de la domination sans partage de l'oligarchie capitaliste européenne et mondiale. Alors, après cette description un peu triste, n'est-ce pas ? Je le reconnais. Après cette description un peu triste, je voudrais cadrer les choses un peu différemment pour indiquer où se trouve la ressource et la possibilité. Et c'est pour cadrer cette forme nouvelle des questions que je vous ai fait afficher le dessin qui se trouve derrière. Je pense que mon ami va traduire les mots du français en grec. Pour ceux qui ne les comprennent pas, ce sont quand même dans l'ensemble des mots très, très classiques. Bon, capitalisme, δεν χρειάζεται να το μεταφράσω. Κομμουνισμό από την άλλη πλευρά, ο οποίο είναι. Επανάγνωστη λέξη, tradition, παράδοση, έτσι, παράδοση, επάνω, modernité, Μοντερνιτέ είναι μοντερνιτέ, σύγχρονη εποχή, Οξιντάν είναι η Δύση. Από εδώ τι έχουμε. Σοσιαλιστικά κράτη, σε αυτή την πλευρά εδώ, σοσιαλιστικά κράτη. Απέναντι είπαμε η Δύση. Επάνω η νέα πολιτική αλήθεια. Αυτή εδώ η πλευρά αντιστοιχεί στον όρο φασισμός. Έτσι περνάμε στο εσωτερικό. Guerre mondiale, παγκόσμιος πόλεμος. Guerre froide, ψυχρός πόλεμος, είναι η επόμενη γραμμή. Guerre mondiale, επίσης, και εδώ έχουμε πάλι τον παγκόσμιο πόλεμο. Contradiction principale, επάνω, οι δύο λέξεις μαζί με το ερωτηματικό, κύρια αντίφαση, η αντίθεση. Guerre latente, αυτή η ευθεία, από εδώ προς τα πάνω. Λανθάνων πόλεμος. Αυτή εδώ η γραμμή επάνω, Alliance, με ένα ερωτηματικό, συμμαχία. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε τους όρους του σχήματος. Merci. Alors, l'hypothèse fondamentale de ce dessin, c'est la suivante. La situation mondiale, depuis les années 80, depuis une trentaine d'années, ne peut être comprise dans ses effets subjectifs à partir d'une contradiction unique. Il faut nécessairement évoquer deux contradictions. Alors, le schéma présente dans sa forme générale ce qu'on pourrait appeler le complexe de deux contradictions enchevêtrées. Sur l'axe vertical, ce qui oppose la modernité à l'univers traditionnel. Sur l'axe horizontal, celle qui, à des degrés divers selon les époques, oppose de manière essentielle le capitalisme au communisme. Je reviendrai sur le mot communisme qui, ici, est pris en réalité dans son sens primitif, c'est-à-dire le sens qu'il a, en gros, dans le manifeste de Marx. Voilà. En réalité, communisme, ici, signifie tout ce qui cristalliserait la nécessité d'en finir avec l'ordre inégalitaire, oppressif et scandaleux imposé à l'humanité tout entière par la propriété privée. Donc ce sont les deux axes majeurs. Au centre, au croisement de ces deux axes, au milieu, il a ce que j'appellerais l'équivoque des subjectivités contemporaines, c'est-à-dire les subjectivités qui sont tiraillées entre quatre déterminations et non pas seulement deux. Autrement dit, nous ne sommes plus dans une vision qui peut se satisfaire de l'opposition prolétariat-bourgeoisie, mettons. Le schéma est à deux axes et il est donc plus complexe. Alors je crois que c'est ce mélange entre ces quatre déterminations qui constitue la subjectivité propre des contemporains. Alors quelles sont ces subjectivités ? Quelles sont les subjectivités fondamentales du monde contemporain ? Premièrement, vous avez la tentation identitaire des traditions qui subsiste très fortement. Je prends l'exemple de la France même. Vous traduirez sans peine dans la situation grecque. Être français, les valeurs de la France, la présence chez nous de gens qui ne respectent pas les valeurs de la France, et tous ces thèmes-là. C'est l'élément identitaire qui caractérise toujours une tradition. Une tradition, c'est toujours la tradition d'un groupe fermé. C'est toujours la volonté de préserver, de multiplier, de répéter une identité. Vous en trouverez mille exemples dans la situation contemporaine. La deuxième subjectivité possible, c'est la fascination pour la modernité. Fascination qui, chez nous, prendra la forme de la marchandise, l'argent, le tourisme, la liberté des mœurs, le régime démocratique et bien d'autres choses de ce genre. C'est un élément subjectif fort, non seulement dans nos pays, mais dans le monde entier. Troisièmement, l'allégeance dominante au capitalisme, considérée comme unique voie possible pour l'organisation des sociétés. C'est ce que j'appellerais le capitalisme subjectivement naturel. Le capitalisme devenu comme une seconde nature de tous les sujets parce qu'ils sont convaincus que rien d'autre n'était possible, ni n'est possible aujourd'hui. Et il ne faut pas sous-estimer ce point. On peut être formellement anticapitaliste, mais être aussi profondément pénétré de la conviction que rien d'autre n'est possible, qu'il n'y a que cela qui marche, hein, et que c'est là-dedans qu'il faut se mouvoir. Et puis quatrièmement, quatrième subjectivité possible, l'émancipation, la nouvelle politique, la liberté, le communisme, tout ce que vous voulez, comme valeur absolue, pensée, rêvée, et finalement souvent considérée comme terminée, passée et finie. Je pense que toute subjectivité politique aujourd'hui est comme un tourbillon à l'intérieur de ces quatre subjectivités possibles. Je pense que tentation identitaire, fascination pour la modernité, caractère naturel du capitalisme et caractère rêvé, passé, possible ou pas possible de l'émancipation, que tout cela continue à exister comme subjectivité. Au milieu de gens qui, pour la plupart, disent « le monde n'est pas bon, il faudrait qu'il soit autrement », et qui cherchent cet autrement tantôt dans le retour à une tradition dépassée, tantôt dans une modernité différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Alors, maintenant, regardons de plus près le schéma. Alors, je tourne dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, hein, sans le regarder. À la périphérie du schéma, c'est-à-dire sur les quatre côtés, on trouve d'abord le monopole, ça c'est très important, le monopole que le capitalisme a conquis quant au désir de modernité. Donc la domination du capitalisme sur la question de la modernité. C'est un point fondamental aujourd'hui. Le capitalisme est en état de se présenter comme unique support possible de la modernité contemporaine, de l'invention, de la transformation, des libertés nouvelles, des mœurs nouvelles. L'élément générique du capitalisme est le seul à se présenter comme porteur de cette modernité. Et donc vous avez un axe qui va du capitalisme vers la modernité. Et j'appelle cet axe l'Occident, le monde occidental. C'en est le symbole et le représentant terrestre. Et on peut dire que le désir d'Occident, passion fondamentale aujourd'hui, le désir d'Occident, c'est le désir de cette orientation. C'est le désir d'être partie prenante de cet axe qui va du capitalisme vers les libertés nouvelles de la modernité. Le désir d'Occident, c'est un désir qui fusionne finalement capitalisme et modernité, qui les identifie, qui les confond, et qui fait de modernité l'alibi majeur du capitalisme lui-même, avec l'injonction que si ce n'est pas ça, alors ça va être la terrible identité traditionnelle qui va reprendre le dessus. Donc ça, c'est le premier côté. Ensuite, en continuant dans le même sens, vous avez un axe entre capitalisme et tradition. Parce qu'il y a de nombreuses possibilités de lier aussi le capitalisme à des motifs identitaires, religieux, nationaux, familialisme, et j'appelle tout cela le fascisme. C'est une définition un peu massive, mais je crois qu'elle est opératoire. La définition la plus simple et la plus générale du fascisme, c'est le lien contradictoire, paradoxal en apparence, entre capitalisme et tradition, et qui s'oppose à la liaison normale entre capitalisme et modernité. Il faudrait rappeler que dans l'histoire, le capitalisme a toujours toléré le fascisme. Il y a eu des conflits entre le capitalisme moderne et le fascisme comme capitalisme arriéré ou traditionnel, mais le capitalisme en tant que tel a pu servir et a sert encore d'arrière-fond à de nombreux États parfaitement autoritaires, parfaitement despotiques. Le capitalisme peut s'accommoder de cette relation, en particulier quand il est menacé par autre chose. C'est pourquoi le fascisme peut être à la fois un adversaire apparent de la démocratie libérale, mais aussi que la démocratie libérale peut reconnaître que l'arrière-plan purement économique est le même que celui du fascisme. De là qu'en réalité, c'est une grande leçon de la dernière guerre mondiale, la contradiction entre fascisme et démocratie a toujours été stratégiquement moindre que la relation antagonique, constitutive, entre capitalisme et communisme. Ensuite, on tourne et je vous propose de définir un axe particulier qui corrélerait communisme et tradition. Un peu le symétrique du lien entre capitalisme et tradition, si vous voulez. Mais il y a aussi une connexion entre capitalisme et tradition, et cet axe a été incarné par les États socialistes. C'est la thèse que je propose. Ces États socialistes et les partis communistes qui s'en réclamaient ont garanti la stabilité de leur pouvoir, ont été obsédés par la garantie de leur pouvoir, un pouvoir en effet non capitaliste dans sa nature. Ils avaient brisé le monopole de la propriété privée, cela c'est vrai, et ils l'ont conserver ce nouveau pouvoir économique collectivisé avec une méfiance systématique à l'égard de toute modernité en dehors de la leur propre. Toute modernité soupçonnée en réalité d'être liée au capitalisme lui-même. Les États socialistes étaient une création moderne. Je voudrais insister sur ce point. Briser le monopole de la propriété privée, ça ne s'est jamais vu pendant des millénaires d'histoire. Ça n'était jamais arrivé pendant des millénaires d'histoire. Ce qui s'est passé là dans ces pays, la Russie, la Chine, c'était une rupture historique sans précédent. Parce que dans la totalité des autres figures de l'organisation des sociétés, depuis des millénaires, tout reposait sur le monopole de la propriété privée et la constitution d'une classe de propriétaires. Il ne faut donc pas oublier dans cette affaire que la rupture introduite par les États socialistes était une rupture non pas à échelle simplement du XIXe siècle ou du XXe siècle, mais qui était une rupture qui se proposait comme une rupture dans l'histoire générale de l'humanité. Alors ce qui s'est passé, c'est que cette transformation sans précédent, cette transformation qui rompait avec le statut ordinaire des sociétés de classe depuis leur origine, ça a créé dans le monde des îlots d'organisation sociale échappant au caractère naturel du capitalisme et de la propriété privée. Mais ces îlots, la Russie, quelques autres États, la Chine, se sont cramponnés largement en termes d'opinion et de subjectivité à des éléments de tradition. Ils l'ont fait par méfiance envers la corrélation entre capitalisme et modernité. Les partis communistes, rappelons-le, ont longtemps eu une hostilité affichée à la légalisation de l'avortement, une homophobie circulante, le réalisme socialisme comme couverture du conservatisme formel dans l'art, la famille a été maintenue et encouragée, et à la fin des fins, même l'identité nationale est revenue. Comme disait Aragon, mon parti m'a rendu les couleurs de la France. C'est un beau vers, mais faiblement internationaliste. Et on peut même soupçonner dans certains cas qu'il y a eu des tentations racistes. Il y a eu des traces d'antisémitisme dans les États socialistes et il y a eu aussi dans les partis communistes des traces importantes de mépris colonial envers les peuples dominés. Alors tout ça a rattaché les États socialistes à un socle traditionnel qui les a empêchés de déployer quoi ? Eh bien qui les a empêchés de déployer une nouvelle modernité. De déployer quelque chose de concurrentiel au capitalisme, non seulement dans les méthodes de production, la technologie, les inventions productives, mais aussi, plus généralement, dans une vision du monde, une construction des subjectivités, un système de valeurs qui aurait été différent, mais tout aussi moderne. Le communisme devait normalement proposer une définition nouvelle de la liberté, qui aurait été capable de rivaliser avec ce que le capitalisme proposait sous le nom de libéralisme. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, il est resté cramponné en subjectivité et dans la vie sociale ordinaire à des schémas qui étaient directement issus de la tradition. Et c'est la raison pour laquelle, après la disparition des États socialistes, nous avons, à échelle de la planète entière, une passion qui est le désir d'Occident, le désir de la modernité tel que le capitalisme et lui seul peut apparaître l'avoir engendré. C'est à mon avis une des raisons majeures de l'échec du communisme historique. Parce qu'il a reconstitué le primat de l'État, la conviction que pour protéger les acquis, pour protéger l'élément anticapitaliste, il fallait des États despotiques, capables de dépolitiser complètement la société. Il fallait, c'est le stalinisme, une suprématie dictatoriale de l'État, il fallait en réalité supprimer la diversité possible des politiques. Et donc, en fin de compte, la politique elle-même. Il fallait organiser des lambeaux de tradition à défaut d'une véritable modernité nouvelle. En Russie, par exemple, la modernité a été active jusqu'aux années 20. Les années 20 sont encore en Russie un moment où le communisme porte la possibilité d'une modernité nouvelle. Mais cette espérance a été ensuite largement défaite. Il y a eu la crispation stalinienne qui a été étatique, antipolitique et finalement traditionnaliste. C'est pourquoi le quatrième côté du schéma, en haut, est en pointillé. Là devrait se tenir et se tiendra un jour quoi ? L'invention d'une nouvelle vérité politique qui, d'un côté, assumerait que la contradiction principale est entre capitalisme et communisme, mais qui, d'autre part, instituerait et développerait une nouvelle modernité. Une nouvelle modernité qui arracherait le monde moderne à sa fascination pour le capitalisme. Je crois que c'est à cela qu'il faut, à la fin des fins, dans toutes les situations effectives, travailler. Créer quelque chose qui est simultanément une nouvelle politique, qui peut s'inscrire dans les inventions et les créations des mobilisations historiques et des mouvements, mais aussi quelque chose qui fait exister une modernité différente. Parce qu'on peut le dire de façon un peu violente, ce qu'il faut briser aujourd'hui à échelle du monde entier, c'est le désir d'Occident. C'est la conviction répandue dans la planète entière que le monopole des figures modernes de la vie sociale, du statut des femmes, de la transformation des mœurs, du libéralisme dans la vie personnelle, que tout cela est lié organiquement au capitalisme. Et tant que ce désir d'Occident survivra, nous n'aurons pas les moyens subjectifs de créer un monde nouveau. Rappelons tout de même, à propos de ce monde actuel qui prétend au monopole de la modernité, rappelons tout de même quelques chiffres. Quelques chiffres. Par des statistiques tout à fait récentes, on sait qu'aujourd'hui, 264 personnes possèdent l'équivalent de 3 milliards d'autres. 264 et 3 milliards, du point de vue du patrimoine possédé. Ce sont des chiffres sans précédent dans l'histoire. C'est une concentration des fortunes plus considérable que celle qu'on a pu observer du temps de la monarchie absolue. On peut s'en accommoder comme si c'était naturel, si le capitalisme est naturel, mais tout de même, on peut avoir quelques doutes que cette équivalence entre 264 personnes et 3 milliards d'autres, ce soit un phénomène absolument nécessaire pour faire marcher l'économie mondiale. C'est quand même une monstruosité. Une monstruosité, et je suis quelquefois personnellement étonné devant une sorte d'apathie générale par rapport à cette monstruosité qui est parfaitement repérée et connue. Et je pense que cette apathie est le prix payé à la disparition provisoire de l'hypothèse communiste, c'est-à-dire, en définitive, du côté carré qui est aujourd'hui en pointillé. En réalité, qu'est-ce que les gens pensent de façon massive en termes d'opinion moyenne ? Ils pensent quelque chose comme « oui, c'est pas formidable tout ça ». Les inégalités monstrueuses de ce genre, en effet, c'est pas très bien, mais c'est finalement la condition quand même de ma liberté personnelle, du fait que je ne suis pas trop mal, que là où je suis, c'est pas formidable, mais c'est pire ailleurs. C'est bien parce que c'est pire ailleurs que ceux qui sont ailleurs veulent venir ici, il faut le dire. Parce que l'affaire des réfugiés, ce n'est qu'un épisode dans une affaire beaucoup plus vaste, dans un épisode qui est que le désir d'Occident travaille la terre entière, pour des raisons qui sont que les statistiques nous indiquent aujourd'hui que dans le monde, 50% des gens n'ont absolument rien. Il y a 264 personnes qui ont presque tout, mais il y en a 50% qui n'ont rien. Alors, les gens qui n'ont rien, et à qui en plus on explique en général que c'est de leur faute, ils ne travaillent pas assez, ils ne sont pas montés dans le char de l'histoire au bon moment. Il y a toujours un moment où, pour des raisons très concrètes, très précises, parce qu'ils ont des enfants, une famille, ils s'en vont là où le désir les mène. C'est-à-dire en Europe, aux USA, et ils y arrivent. Alors bien sûr, quand en plus il y a des guerres civiles et que vous avez des bandes armées à vos portes, avec des tortionnaires partout et des bombardements par-dessus le marché, ça accélère le mouvement. Mais ce mouvement est structurel. Depuis des décennies et des décennies, il est venu de façon continue des ouvriers d'origine africaine en France, comme d'origine turque en Allemagne, etc. Ce n'est pas seulement depuis 2 ou 3 ans. S'il y a aujourd'hui 6 millions de musulmans en France, c'est parce qu'ils sont venus. Ce n'est pas une génération spontanée de musulmans. Ils sont venus pour survivre, articulés et dominés finalement par le désir obligatoire de l'Occident, puisqu'on leur raconte que c'est cela l'élément naturel des sociétés productives et qu'en plus c'est le seul lieu d'existence de la modernité libérale. Alors voilà, le schéma indique tout ça, il indique l'arrière-plan structurel de ces phénomènes dans le monde. Le schéma a aussi une valeur historique. Il explique très bien les étapes précédentes. Par exemple, il montre que la Seconde Guerre mondiale, elle est marquée là, a vu une alliance entre le libéralisme occidental et les États socialistes contre le fascisme. Donc des deux côtés latéraux contre le bas. Et il montre que la guerre froide, qui est venue tout de suite après, a été le développement, par contre, de la contradiction entre l'Occident libéral et le conservatisme des États socialistes. Et puis, le schéma a aussi une valeur de prédiction. Il montre que dans la situation présente, il peut très bien y avoir, et il y a déjà, des alliances entre la forme occidentale ou libérale du capitalisme mondialisé et certaines formes de fascisme. C'est le cas aujourd'hui dans une bonne partie de l'Europe de l'Est, en Europe même. Et le schéma indique surtout que si on ne construit pas, d'une manière ou d'une autre, le quatrième côté, de façon sensible, et que si on ne crée pas un désir autre et rival du désir d'Occident, s'il n'y a pas de création d'une politique qui soit explicitement destinée à mettre fin à la monstruosité du capitalisme mondialisé, eh bien, ce quatrième côté n'existera pas, ne pourra pas fonctionner, et il y aura une pathologie planétaire. Il y aura une pathologie planétaire. Le manque de ce quatrième côté représente un péril, et nous pouvons déjà le constater, avec des symptômes de plus en plus graves. Et je vous fais ici une prédiction sinistre. Si le quatrième côté reste dans l'état de pointillé qui est le sien aujourd'hui, nous aurons à un moment quelconque la Troisième Guerre mondiale. Alors le schéma indique aussi ce que seront, ce que sont déjà en réalité à très petite échelle, les trois grandes tâches de la nouvelle politique. Premièrement, soutenir une contradiction explicite et principale, mondiale, avec le capitalisme globalisé. Ça veut dire proposer sans relâche le programme fondamental du communisme contre le pouvoir de l'oligarchie capitaliste, contre l'exploitation et pour l'égalité, comme un programme absolument général, mais qui doit être constamment répété, reformalisé, appliqué aux situations concrètes. Deuxièmement, présenter un bilan critique de la période des États socialistes, expliquer les causes du stalinisme, séparer l'idée communiste de ses formes décadentes et vouées à l'échec, montrer que la politique communiste est morte dès qu'elle est engloutie dans la seule action du pouvoir d'État, et enfin, troisièmement, prendre la direction de la lutte contre le fascisme, comme les communistes, après tout, l'ont déjà fait en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, sur ce point, nous avons aujourd'hui deux symptômes inquiétants. Le premier, c'est l'apparition de plus en plus étendue de forces fascisantes au Moyen-Orient, bien sûr, mais aussi dans certains des États apparemment raisonnables de l'Europe occidentale, voire même de l'Europe tout court. La deuxième chose, c'est de gigantesques migrations de populations avec des gens qui cherchent désespérément à aller là où on leur dit qu'ils peuvent vivre, en partant d'un lieu où l'on ne peut plus vivre, tout simplement. Et cela crée petit à petit des conditions d'instabilité planétaire qui sont extraordinairement périlleuses. Alors, je voudrais à ce propos noter quelque chose. Le peuple grec, donc vous, dont les souffrances sont considérables, pour des raisons historiques qui peuvent elles-mêmes être déchiffrées à partir du schéma, mais je vous laisse le travail. Le peuple grec a envers les réfugiés très souvent, très largement, une attitude d'accueil chaleureuse et efficace. C'est une chose admirable, je veux le dire en passant. C'est une chose admirable. Vous faites honte à un pays comme la France, où, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose de tel. Alors, il faut saluer le soin pris par de pauvres gens pour d'autres plus pauvres ou plus exposés à la mort. Et je voudrais dire que cette universalité du sentiment et de l'action à l'égard du phénomène des migrations contemporaines est une bonne piste pour la nouvelle politique. Entre autres choses, parce que c'est une piste universaliste et internationaliste, à l'abri, par conséquent, des réactions nationalistes et fascisantes. Alors, cette idée stratégique, vous me direz, cette idée stratégique qui manque pour la consolidation du quatrième côté de mon carré, qu'est-ce qu'elle est? Comment la formuler de façon simple? Je pense qu'on peut la ramener à quatre points programmatiques, bien classiques, qui constituent des opérateurs de jugement, des possibilités de se rapporter aux situations concrètes. Ce ne sont pas seulement des objets d'espérance pour le futur ou des abstractions. Ce sont quatre points qui permettent de se demander, quand on fait quelque chose, si ce qu'on fait peut s'inscrire dans ce cadre ou ne le peut pas. Alors, voilà ces quatre points, ces quatre critères d'évaluation, vous, ceux qui les connaissent les reconnaîtront. Premièrement, il est possible d'organiser la vie collective autour d'autre chose que la propriété privée et le profit. Il faut revenir à l'énoncé crucial de Marx, qui dans le manifeste déclare à un moment que tout ce qu'il raconte se ramène à un seul point, abolition de la propriété privée. Cette idée était déjà présente depuis un long temps, puisqu'on la trouve à un certain niveau chez Platon, et elle a quand même animé toute la pensée émancipatrice du XIXe siècle. La domination du capitalisme contemporain nous l'a fait oublier. mais il faut la désoublier. Il faut la ressusciter à tout prix. On peut le dire autrement. Il faut assumer au moins l'idée que le capitalisme n'est pas et ne doit pas être la fin de l'histoire. Après, comment, quel bilan, dans quelles conditions, ça, ce sont les discussions de la politique elle-même. Deuxièmement, il est possible d'organiser la production autour d'autre chose que la spécialisation et la division du travail. En particulier, il n'y a aucune raison que se maintienne la séparation hiérarchique entre le travail intellectuel et le travail manuel, ou entre les tâches de direction et les tâches d'exécution. Il n'y a aucune rationalité qui prescrive qu'il soit impossible d'entrer dans l'ère de ce que Marx appelait le travailleur polymorphe. Il n'y a aucune raison de considérer comme définitivement rationnel qu'un Africain soit en train de creuser un trou dans la rue pour un salaire misérable, pendant qu'un autre, un blanc, donne des ordres à des tâcherons. C'est pathologique, cela. Cette situation, nous devons réapprendre à la considérer comme pathologique. C'est plus profond que la notion comptable d'égalité. C'est en réalité l'idée que les divisions qui organisent le travail lui-même sont des divisions mortifères. Troisièmement, il est possible d'organiser la vie collective sans se fonder sur des ensembles identitaires fermés, comme les nations, les langues, les religions, les coutumes. La politique peut unir l'humanité tout entière hors de ses références. Alors, toutes ces différences doivent et peuvent exister. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'elles doivent disparaître, que tout le monde doit parler la même langue, etc. Elles peuvent et doivent exister de façon féconde, mais à l'échelle politique de l'humanité tout entière. Et de ce point de vue-là, l'avenir, j'en suis persuadé, est un internationalisme complet. Il faut affirmer que la politique peut et doit exister de façon transversale à toutes les identités de ce type. Il n'est pas vrai que les collectifs humains doivent collectivement s'organiser de façon nécessaire sur la base de ce type d'identité nationale, régionale, religieuse, culturelle, etc. Ces identités existent et existeront, mais elles doivent coexister. Et elles ne doivent jamais fonder des principes de séparation, de divergence et encore moins d'inégalité. Et quatrièmement, il est possible de faire peu à peu disparaître l'État comme puissance séparée ayant le monopole de la violence, de la police et de l'armée. Autrement dit, la libre association des humains et la rationalité qu'ils partagent peuvent et doivent remplacer la loi et la contrainte. Alors, ces quatre principes ne sont pas exactement un programme, ce sont des principes d'évaluation de ce qui se passe. C'est-à-dire, est-ce que ce qui se passe là a une relation avec l'un de ces quatre points, lequel et dans quelles conditions? Et si aucun de ces points n'est convoqué, d'aucune façon, eh bien, on jugera que ce qui se passe, en tout cas, n'est pas dans la direction stratégique nécessaire pour qu'on puisse parler de politique nouvelle et de création d'une politique nouvelle. Alors, la politique nouvelle, si elle peut être engendrée par l'historicité des mouvements, qui, je le rappelle, demeure nécessaire, je la définirai par la mobilité de ces quatre points fondamentaux, leur circulation dans la totalité de l'expérience, par le fait qu'ils circulent dans la subjectivité, dans la situation, et qu'on peut toujours mesurer sur quel point l'accent doit être mis. La politique nouvelle, c'est la mobilité des quatre points et leur présence comme instrument d'évaluation. Donc, leur introduction nécessaire partout où il y a des mouvements populaires, des formes neuves d'organisation, des expériences locales, des trajets politiques. Au fond, la circulation concrète des quatre points, elle va se cristalliser dans quoi? Eh bien, dans des mots d'ordre, dans la vieille signification politique du mot d'ordre. À la fin des fins, le mot d'ordre représente cette circulation des quatre points si c'est un vrai mot d'ordre de la politique d'émancipation, si c'est un point de cristallisation des quatre points fondamentaux. La nécessité absolue est alors de dépasser les mots d'ordre strictement négatifs. Parce qu'encore une fois, les mots d'ordre négatifs ne peuvent pas organiser la circulation des quatre points essentiels de l'émancipation. Et donc un mouvement, pour revenir à mon point de départ, un mouvement va être jugé à la fin des fins sur quoi ? Bien, quelle a été sa proposition ou ses propositions affirmatives dans la situation concrète qui était la sienne et en relation avec les quatre points programmatiques généraux. Alors finalement, c'est dans cette direction que nous pouvons chercher la construction d'une modernité politique, une modernité politique nouvelle qui sera aussi, finalement, si on lui fait confiance, une modernité sociale, productive, travailleuse, intellectuelle, artistique, technologique, et elle sera capable de rivaliser avec le monopole capitaliste de la modernité, dont nous savons parfaitement, à travers des descriptions tout à fait officielles, qu'il est inégalitaire, mortifère et finalement guerrier. Et alors, je vais conclure par la poésie, comme toujours, parce que finalement, tout ça, c'est un nouveau souffle. Ce qui est intéressant quand apparaissent des mouvements comme ceux que nous avons connus, que nous connaissons encore, ce n'est pas tellement ce qu'ils sont, mais c'est finalement le souffle. C'est ce que les gens disent quand ils sont contents que ça bouge, quelque chose bouge. Alors c'est bien que ça bouge, parce que si ça ne bouge pas, c'est vrai que c'est un peu mort. Et la politique a besoin de vivre aussi, et pas seulement d'être prononcée. Alors, ça bouge, ça dit le souffle. C'est un peu infra-politique, mais c'est quelque chose qui, en même temps, rend possible qu'un certain nombre des points fondamentaux commencent à se mouvoir, à circuler dans les esprits. C'est pourquoi je voudrais conclure par une grande métaphore poétique de ce souffle lui-même, du souffle qui, finalement, traverse la politique dans l'épreuve de son histoire. Je trouve ça dans le poème « Génie », de Rimbaud, dans les Illuminations, poème que je vais vous lire et que je commenterai très brièvement pour finir. Le poème Génie de Rimbaud est une énigme, parce qu'on ne sait pas ce que c'est finalement génie, d'un bout à l'autre du poème. D'un bout du poème, il dit « il a fait ceci, il a fait cela ». Alors, je vous prie, chaque fois que vous entendrez « il », d'entendre politique nouvelle ou communisme, à votre choix. Il est l'affection et le présent, puisqu'il a fait la maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été. Lui qui a purifié les boissons et les aliments, lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des stations. Il est l'affection et l'avenir, la force et l'amour que nous, debout, dans les rages et les ennuis, nous voyons passer dans le ciel de tempête et les drapeaux d'extase. Il est l'amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l'éternité, machine aimée des qualités fatales. Nous avons tous eu l'épouvante de sa concession et de la nôtre. Ô jouissance de notre santé, élan de nos facultés, affection égoïste et passion pour lui, lui qui nous aime pour sa vie infinie. Et nous nous le rappelons, et il voyage, et si l'adoration s'en va, sonne à sa promesse, sonne, arrière ses superstitions, ses anciens corps, ses ménages et ses âges, c'est cette époque-ci qui a sombré. Il ne s'en ira pas, il ne redescendra pas d'un ciel. Il n'accomplira pas la rédemption des colères de femmes et des gaietés des hommes et de tout ce péché, car c'est fait, lui étant et étant aimé. Oh, ses souffles, ses têtes, ses courses, la terrible célérité de la perfection des formes et de l'action, oh, fécondité de l'esprit et immensité de l'univers, son corps, le dégagement rêvé, le brisement de la grâce croisée de violences nouvelles, sa vue, tous les agenouillages anciens et les peines relevées à sa suite. Son jour, l'abolition de toute souffrance sonore émouvante dans la musique plus intense. Son pas, les migrations plus énormes que les anciennes invasions. Ô lui et nous, l'orgueil plus bienveillant que les charités perdues, ô monde, et le chant clair des malheurs nouveaux. Il nous a connus tous et nous a tous aimés. Sachons cette nuit d'hiver de cap en cap, du pôle tumultueux au château, de la foule à la plage, de regards en regards, forces et sentiments là, le héler et le voir et le renvoyer, et sous les marais et au haut des déserts de neige, suivre ses vues, ses souffles, son corps, son jour. Alors je voudrais terminer par trois ponctuations de ce texte extraordinaire. D'abord, Rimbaud attribue au génie, et nous attribuerons donc à la politique nouvelle, au communisme, deux attributs contradictoires. Il est, nous dit-il, ce génie, le charme des lieux fuyants, d'un côté, et le délice surhumain des stations, de l'autre. Alors vous voyez ce qui est fuyant et ce qui est la station. Et je pense que c'est bien ce que doit être le repérage des points d'appui de la politique, son œuvre dans les mouvements localisés, dans les mouvements plus vastes. Ça se donne, la politique, dans des singularités presque insaisissables, quelquefois. Il faut être très attentif en politique pour discerner la présence des motifs réels dans une situation. Mais ça procède aussi, c'est le côté station, d'une construction solide de ce qui est le plus fortement établi. Alors oui, charme des lieux fuyants, d'un côté, délice surhumain des stations, de l'autre, je pense qu'il ne faut jamais les sacrifier l'un de l'autre. Il ne faut pas sacrifier le nomadisme des lieux fuyants, le côté mouvement, le côté passage. Il ne faut pas le sacrifier à l'immobilité du pouvoir. Mais il ne faut pas non plus sacrifier la nécessité d'une vision stratégique, solide, installée, partagée, à l'opportunisme des circonstances. Et c'est ce que nous dit ce texte. Deuxièmement, Rimbaud nous dit aussi que la politique, la vraie, doit assurer la sortie réelle du monde dominant. Elle ne doit pas s'y installer. Elle ne doit pas faire comme Alexis Tsipras. Elle ne doit pas se contenter de le critiquer indéfiniment de l'intérieur, d'en être mécontent, voire même de faire des soulèvements contre lui. Il faut en sortir, ce qui est autre chose. Et il faudra bien un jour ou l'autre organiser la sortie du capitalisme. Je dis sa sortie, je dirais plus volontiers sa sortie que son renversement. Il faut sortir de là. Il faut que nous sortions de là. Au fond, tout comme pour Platon, la philosophie, c'était de sortir de la caverne du semblant, il faut sortir. Dans l'allégorie de la caverne de Platon, le motif n'est pas celui du renversement, de la destruction de la caverne. Le motif, c'est celui de la sortie. Et cette sortie implique deux choses. Premièrement, l'accueil positif de l'événement, de ce qui se passe, de ce qui autorise l'espoir d'une nouveauté en brisant les lois de la domination. Ça, c'est la première chose. Et Rimbaud l'a nommé magnifiquement, c'est ce qu'il appelle le brisement de la grâce nouvelle. Le brisement de la grâce nouvelle. C'est accueillir positivement ce qui se passe comme une occasion de sortie, et pas simplement comme une occasion de piétinement. Et puis, une fois sorti, il y a l'invention active, il y a le travail des séquences les plus lointaines de l'événement. Celles qui anéantiront l'ordre ancien, et une fois la sortie opérée, se retournera vers cet ordre ancien pour lui dire « c'est fini, c'est passé, nous sommes ailleurs ». Et Rimbaud le nomme cette fois « violence nouvelle ». C'est-à-dire que ce n'est pas une violence qui détruit, c'est une violence inventée, une violence nouvelle. Violence nouvelle, il faut le prendre ensemble. Une violence n'est acceptable que si elle est nouvelle, justement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas une violence au sens classique du terme, mais elle est invention et création. Et enfin, il nous indique ce texte, troisième point, que cette modernité politique, qui finalement est une modernité tout court, il faut à la fois, dit-il, la vouloir, l'affirmer, l'appeler, mais il faut aussi voir où elle se trouve. Il faut avoir l'œil exercé pour trouver dans quelle partie du mouvement, dans quel mot d'ordre, dans quelle action se situe vraiment le point décisif, le point qui est le point de la sortie, c'est-à-dire voir où est le chemin que notre pensée doit emprunter. Et puis enfin, il faut en parler aux autres. Ça, c'est fondamental. Il faut le renvoyer aux autres avec l'enthousiasme nécessaire. Il faut nous dire un mot, cet élément neuf, historique, il faut le héler, l'appeler, le vouloir, le voir, le percevoir dans son chemin caché. Et il faut, nous dit-il, le renvoyer, c'est-à-dire le léguer à tous les autres, à l'humanité tout entière. Alors voilà, c'est comme ça qu'on va conclure avec Rimbaud, finalement. Au fond, il faut que nous sachions tous, parce que c'est possible, avoir du génie. Avoir du génie, c'est-à-dire cette nouvelle politique qui va venir, cette politique d'émancipation qui viendra, qui est là même, mais peut-être pas encore assez ailée, assez vue, assez renvoyée. Eh bien, sachons cela. Cette nouveauté qui seule sauvera le monde de son désastre. Il faut savoir la héler, la voir, et il faut la renvoyer à la terre entière, à laquelle en ce moment, hélas, le génie manque cruellement. Voilà. Merci. Πολλές ευχαριστίες και πάλι στον Αλέν Μπαντιού για αυτή τη συναρπαστική διάλεξη. Ελπίζω ότι υπερκέρασε τις προσδοκίες μας, εισήγαγε θέματα προς συζήτηση που υποθέτω θα υποδαβλήσουν ερωτήσεις στο ακροατήριο. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 20 λεπτά για ορισμένες ερωτήσεις. Ξεκινήσουμε από τις πρώτες γραμμές και θα πάμε προς τα πίσω. Περιμένετε λίγο, θα γίνουν ερωτήσεις. Ναι, εδώ πέρα. Ναι, αμέσως έρχομαι. Έχουμε ένα μικρόφωνο που κυκλοφορεί. Συγγνώμη, ναι, αμέσως. Tout d'abord, je voudrais te remercier pour cette très belle conférence. Je parle français. Oui, pour cette très belle conférence. Et je voudrais, si tu permets, revenir sur un point concernant le mouvement Nuit Debout. Je me base sur les échos que j'ai eus, parce que je n'ai pas été sur place, si j'ai pu dire, sur la place de la République. Mais tu as parlé justement du mot d'ordre. Nous ne voulons pas faire de la politique qui... Enfin, un mot d'ordre, enfin, cette formule qui circule sur la place de la République à Paris. Il me semble, enfin, je peux me tromper, mais il me semble que là, il ne s'agit pas tellement... d'un refus global et un bloc de la politique, mais justement un refus de la politique unique, de cette non-politique qui consiste à la politique unique, à cette politique politicienne, un refus, un rejet aussi, une révolte, je dirais, contre une politique qui se base sur les transactions, et qui vous piège sur les terrains minés des négociations, des transactions, des rapports de force, pourcentages électoraux, sondages d'opinion, etc. Il me semble que là, c'est plutôt ce qui fait jour sur la place de la politique. Je peux me tromper toujours, je l'ai dit. C'est plutôt un désir de faire la politique autrement, c'est-à-dire un désir de se dégager d'une politique de négation, de la négation, pour passer en tâtonnant vers une politique de l'affirmation. Voilà, merci. Oui, mais mon propos n'était pas de, comme tu l'as vu, de critiquer nuit debout. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que même si c'est cela, ça n'excède pas pour le moment le strict espace de la négation. C'est-à-dire, c'est la négation d'une négation, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est quand même dire, à supposer même qu'il s'agisse de la non-politique parlementaire, c'est vouloir s'en sortir, vouloir la dégager. Mais je ne crois pas qu'on puisse repérer dans cette affaire un seul mot d'ordre affirmatif contenant la nature d'une nouvelle politique, pas même un élément programmatique. Le mouvement en est encore à discuter en son propre sein de ce que peut être un protocole proprement démocratique de la décision. Il en est là, après un mois. Donc on sait bien que c'est sympathique, que c'est... Mais à mon avis, ça ne se dégagera pas en réalité de l'espace général tant que ça restera dans les catégories, y compris sémantiques, qui sont les siennes, à savoir en fait les catégories de l'hyperdémocratie, de l'horizontalité, etc. C'est-à-dire des catégories formelles. Mais sur des questions décisives de l'organisation de la société, sur les quatre points que j'ai énumérés comme ceux du programme fondamental, on n'a rien entendu. À aucun moment. Άλλη ερώτηση, ο Βαγγέλης, εκεί πέρα. Tu me traduis, parce que tout le monde ne va pas parler en français. Bon, reste à la cabine. Oui. Lui aussi. Je parle français. Ah bon. Alors, je voudrais... C'est l'internationalisme. Si vous voulez, c'est une petite ébauche. Et alors, je voudrais revenir à la question du mouvement de masse. Alors, dans votre livre, Le réveil de l'histoire, vous avez distingué trois catégories des émeutes, entre parenthèses. Je voudrais une explication, c'est personnel. Je traduis le mot émeute en le différenciant du mot révolte. Pourquoi vous avez... Parce que pour la traduction, est difficile. Hein, révolte, en Grèce, exaiasis, hein, c'est bezette, c'est occupé. On ne peut pas remplacer ça. Alors, moi, je suppose que émeute a une, je dis, a une affinité avec le mouvement. C'est, du point de vue étymologique, c'est le verbe mouvoir. Mais je voudrais votre point de vue. Alors, en disant que, est-ce qu'il y a une différence entre révolte et émeute? Je reviens à ma question principale. Alors, il y a trois catégories des émeutes et... Si je me rappelle très bien, l'émeute immédiate, c'est l'émeute des jeunes gens dans les banlieues parisiens. Alors, vous dites que c'est une émeute qui ne se déplace pas de ces gens-là. Et après, c'est l'émeute latente en France. Et l'émeute historique, ce sont les émeutes, c'est le printemps d'Arabe. Et surtout, la place en Égypte. Hein? Deuxième petite question, est-ce que vous croyez qu'encore la place et les lieux, la place en général, la place des villes occidentaux est toujours le lieu privilégié de mouvements de masse qui pouvaient vraiment aboutir à cette nouvelle politique que vous rêvez? Alors, ma question, vous disiez que dans la place Tahrir, il y avait une petite partielle du peuple égyptien, il y avait une sorte de démocratie quand même, une sorte de démocratie, et en dehors de ce lieu, il fallait une dictature, vous dites, c'est comme la dictature de la vérité. Ma question est, à l'époque, est-ce que vous avez changé d'avis de ce que vous avez proposé à l'époque? Est-ce que vous croyez que dans cette place en Égypte, quand même, il y avait des gens plus forts que les autres? Est-ce que vous croyez que maintenant vous dites, parce que dans votre livre vous ne dites pas que la majorité de ce mouvement du point de vue de la force étaient les frères musulmans? Et ma question est, comme le mouvement, vous dites, est obsédé par l'unité démocratique, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais est-ce que vous ne croyez pas que maintenant, si quelqu'un vous disait, moi, je voyais qu'il fallait défendre la démocratie parlementaire occidentale contre les frères musulmans, contre les frères, bien qu'il était minorité. Ma question précise. Maintenant, est-ce que vous avez l'envie de changer quelque chose ou d'avoir écrit quelque chose à l'époque où vous écrivez ce livre, après avoir vu le bilan que vous avez très très très bien et vous avez présenté? Je vous remercie infiniment. Oui, très très très rapidement. En vérité, si on considère le mouvement comme mouvement, on peut dire qu'il n'était justement pas fondamentalement organisé ou dirigé par les frères musulmans. En réalité, ils sont restés plus sur la marge ou autour du mouvement, sans le condamner et en sachant que peut-être ils pouvaient en profiter, parce que l'adversaire était le même, parce qu'ils étaient d'accord pour Moubarak dégage. Mais ce que j'ai voulu dire aujourd'hui, c'est que le fait est que dans la durée, ils avaient, eux, une position politique. Ils avaient une position politique définie de longue date. Et ils avaient des liens importants avec les masses populaires égyptiennes. Ce que n'avaient pas les autres. Ce que n'avaient pas les autres. Et tout laissait prévoir que si on acceptait comme issue les élections démocratiques au sens ordinaire du terme, les frères musulmans les gagneraient. C'était certain, ça. Et je voulais montrer que, donc, la question de l'articulation entre mouvement et politique, en Égypte, a fonctionné dans deux étapes. L'étape du mouvement, qui a été une étape d'unification, où les frères musulmans jouaient un rôle secondaire, et une deuxième étape qui a été le basculement parlementaire de la chose, où les frères musulmans disposaient d'une force acquise, sans comparaison avec les autres, comme on l'a vu. Ce qui veut dire que, au fond, on ne peut pas éviter que le mouvement discute en son propre sein de sa capacité politique propre. C'est ça que je veux dire. Parce que là, en un second temps décalé, qui n'était plus du tout le même mouvement de masse, il y a eu un affrontement avec les frères musulmans, mais cet affrontement avec les frères musulmans, en définitive, le seul profiteur de cet affrontement, c'était l'armée. C'était l'armée. Et donc, je pense réellement que la question de savoir quel type de politique affirmative est présente à l'horizon des mouvements demeure un point fondamental, comme l'exemple égyptien le montre, y compris s'agissant de gens qui, au fond, n'étaient que d'un seul pied dans le mouvement, mais qui, lors de sa constitution démocratique, c'est-à-dire au moment où s'est posée la question du rapport à l'État dans la forme électorale, c'est quand même eux qui ont ramassé la mise. Et ça, il faut méditer sur ce point. Donc je ne modifierai pas la chose, je dirais simplement un mouvement, une émeute historique, un mouvement, enfin, un vrai mouvement de masse, c'est une émeute historique, enfin, pour le dire comme ça, une émeute historique n'est pas encore, par elle-même, clarifiée quant à sa capacité politique. Je voudrais quand même revenir sur quelques points qui me paraissent un peu un bémol par rapport justement à ce qu'on gagne d'un côté en clarté avec vos carrés, vos quatre questions toujours. C'est toujours le quatre de la structure qui apparaît de façon nette, claire et limpide. Mais la question qui se pose derrière la sévérité avec laquelle quand même vous jugez avec vos catégories toujours, avec lesquelles, dans l'ensemble, nous pourrions être d'accord, mais comme Vicky Scoubi l'a rappelé tout à l'heure, les mouvements ne sont pas forcément le résultat d'une stratégie. Il y a quelque chose qui surgit. Il y a toujours la question du réel qui est inéliminable. Mmh. Et cette question du réel fait que on aura beau toujours faire une critique dans l'après-coup, néanmoins, la politique, elle est faite par des humains. Et les humains sont toujours en lien entre cette structure et ce réel. Et au fond, il me semble que là, vous êtes un peu sévère, parfois, par rapport à vos jugements des mouvements existants, sans dire que ce sont des mouvements qui ont abouti. Mais il y a quand même un mouvement général. Qui espérerait qu'un candidat, par exemple, à la présidence aux États-Unis dise que le capitalisme a réussi ce qu'on craignait que le socialisme ou le communisme vienne produire. Voilà. Donc, en fait, comme on dit que le diable est toujours dans le détail, il me semble que la contradiction interne est quand même dans le fait qu'à partir du moment où vous l'avez dit, où il y a une issue positive et affirmative, il y a toujours la question de la division. Et la question de la division est inéliminable. Donc, c'est juste par rapport à ce bémol que j'aimerais avoir votre avis. En vous remerciant. D'abord, j'ai rappelé à diverses reprises, y compris dans mon exposé, que sans mouvement, la politique est inerte. Hein. Autrement dit, je suis le premier à considérer que les mouvements historiques, sont des scansions majeures de la temporalité de la politique elle-même, bien sûr. Hein. Et après tout, quand il y a eu les premiers grands mouvements d'occupation des places, etc., j'ai écrit quand même tout un livre pour les saluer, pour dire que c'était quand même ce que j'ai appelé le réveil de l'histoire. Ce que vous jugez être ma sévérité d'aujourd'hui, c'est que je suis frappé de voir quand même que si on prend le mouvement parisien actuel, on ne voit pas qu'il circule de façon effective le bilan des mouvements précédents. Ça, c'est quand même une possibilité manifeste. Mouvement précédent qui avait, par beaucoup de côtés, les mêmes caractéristiques, mais qui, en général, était beaucoup plus compact, beaucoup plus greffé sur la situation, beaucoup plus... Voilà. Donc c'est une critique que j'ai introduite en disant nous pouvons quand même faire un certain bilan de cette grande mobilisation des places telle qu'elle s'est constituée dans le monde dans les 4 ou 5 dernières années et prêter attention au fait qu'il y a déjà eu une série variée de conclusions négatives de deux types. L'impossibilité absolue d'inventer quelque chose dans la politique, soit la bascule dans la politique existante. C'est ça que je notais. Voilà. Et je pense qu'il est bon, dans ce cas-là, de se dire c'est pas du tout contre les mouvements, sans les mouvements, mais de se dire il faut intégrer quand même le bilan de l'histoire en mouvement, autant qu'on peut le faire, dans les figures neuves du mouvement. Et par ailleurs, sur le fait que les individus agissants sont des médiateurs subjectivés entre l'histoire et la politique, c'est ça. Je suis d'accord avec vous, absolument d'accord avec vous. Et il est clair que de ce point de vue-là, la question clé aujourd'hui, c'est la question par laquelle j'ai commencé, c'est-à-dire comment se constitue aujourd'hui, y compris dans l'épreuve de tentative de mouvement, les figures subjectives dominantes dont nous sommes capables. C'est évidemment ça qui décidera des choses. Et ce n'est pas la structure. Ça. D'abord, je voudrais saluer, chers camarades, votre présence encore une fois en Grèce, et surtout à un moment où une nouvelle grève générale va commencer demain. Comme votre visite antérieure a coïncidé aussi avec une occupation pas loin d'ici. Mais cette fois-ci, dans ces peuples martyrisés, trahis, mais pas vaincus, et en mouvement, et c'est important que ça coïncide de votre présence ici avec cela. Bon, maintenant, il y a beaucoup de choses, et on n'a pas de temps à ce moment-là, je vais être très bref. sur le, votre schéma que je vois, les États socialistes, par exemple, sont les produits des mouvements, et pas seulement des mouvements, des révolutions. Les mots qui manquent, que pour moi, ce n'est pas visible dans ce schéma, c'est le mot révolution. Ce qui met, c'est, vous croyez encore que la séquence des révolutions a fini en 1976 ? Deuxièmement, et vous avez fait un bilan très intéressant du mouvement de la dernière période, et surtout du printemps arabe, la différence entre histoire et politique. Et c'est vrai que la politique, et vous, c'est tout à fait bien qu'il y a des politiques, il n'y a pas une politique. D'abord, lié avec ma première question, le réveil de l'histoire au pays arabe, d'après mon avis, c'était un processus révolutionnaire, et pas seulement un mouvement circonstanciel. Pour cela, ils ont utilisé des dictatures, des innovations impérialistes et des guerres pour l'écraser. Ils n'ont pas réussi jusqu'à maintenant. Ils nous ont donné beaucoup on a eu des défaites ici et là. Et la dictature d'Al-Sisi que vous avez mentionnée, c'est la preuve. Mais en même temps, ça bouge. C'est important qu'en s'inspirant de la nuit debout à Paris, la veille de ce 1er mai, à Tunis, en Tunisie, il y a eu la fête des chômeurs devant les ministres du Travail et avec un salut internationaliste aux travailleurs et jeunes occupant la place de la République à Paris. Alors, ce que je vais dire, entre en Égypte, il n'y a pas eu qu'une politique. Il y a eu la politique des frères musulmans, il y a eu la politique des libéraux, bien sûr, les facteurs de l'État militarisé. Et aussi, il y a eu une intervention des forces de la gauche soi-disant radicale et révolutionnaire qui a fait un mauvais choix, un choix terrible. Elle a accumulé toutes les erreurs en soutenant les coups d'État des militaires contre les frères musulmans. Et on paye le prix pour cela. Et c'est tout à fait, vous avez raison, qu'il y a cette manque qu'il faut maintenant dépasser. C'est que, mais une autre chose, un autre mot, que vous l'avez dit dans votre conférence, mais je ne vois pas de le schéma, à part le mot révolution, l'organisation révolutionnaire, d'après mon avis, qui va établir le caractère permanent de ce processus révolutionnaire. Sinon, on sera perdu encore dans de nouvelles défaites. Merci bien. Oui, je voudrais simplement dire, par revenir sur l'analyse détaillée de la situation en Égypte, je suis d'accord avec vous que une partie des forces qui se déclaraient révolutionnaires ont finalement, par leurs choix successifs, servi de base et d'appui au coup d'État militaire, je l'ai dit d'ailleurs. Et ça, c'est évident que c'est une leçon très, très, très grave, très lourde et très importante. Alors, sur révolution et organisation, ce sont des protocoles internes à la politique, proprement dite. C'est pour ça que je ne les mets pas dans le schéma, parce que je n'ai fait que placer les axes généraux. Mais si après on entre dans le détail de ce que peut signifier la construction de ce qui est en pointillé, etc., ça se définit par des protocoles qui sont nécessairement des protocoles organisés d'un côté, révolutionnaires de l'autre. Quand vous voyez contradiction antagonique entre communisme et capitalisme, naturellement, dans les faits, ce sont des protocoles révolutionnaires, au sens classique du terme. Et quand vous voyez qu'il faut inventer une nouvelle discipline, une nouvelle modernité, etc., etc., ce sont des protocoles nécessairement organisés. Donc organisation et révolution sont présents de façon latente dans le schéma qui ne prétend pas du tout extirper ce que c'est réellement que la pratique politique dans le détail de sa construction, mais simplement de la disposer dans une configuration générale. Mais je voudrais dire que peut-être nous n'en sommes pas encore tout à fait à ce stade, parce que il faudrait aussi faire un bilan précis des avatars du mot révolution. Les avatars du mot révolution en tant que inscrits en particulier dans le bilan des États socialistes, que j'assigne comme une des fonctions fondamentales de la nouvelle politique. Il ne faut pas oublier que le bilan des États socialistes est quand même l'argument fondamental de la propagande réactionnaire aujourd'hui. C'est même cela qui est décisif pour cimenter l'idée qu'il n'y a qu'une seule possibilité. Parce que si c'est passé à partir des années 80, c'est qu'on est passé d'un monde dans lequel il y avait l'évidence de deux possibilités à un monde où il est affirmé qu'il n'y en a qu'une. C'est quand même ça, à échelle d'ensemble, ce qui s'est passé. Et dans ce processus, il y a eu non seulement l'effondrement des États socialistes, mais il y a eu que le bilan des États socialistes a été absolument déterminé par les adversaires et que tout le monde a accepté un bilan qui a quand même été fait par les adversaires. Or ça, en politique, on ne doit jamais accepter que le bilan d'une séquence, quelle qu'elle soit, soit fait par les adversaires. Même s'il s'agit des États socialistes, même s'il s'agit de Staline, c'est n'importe quoi, le bilan des choses doit faire partie des tâches des constructeurs de la nouvelle politique. C'est pour ça que je pense qu'à travers les catégories révolution, organisation, c'est aussi la question d'un bilan entièrement nouveau qui sera proposé, y compris des États socialistes. Deux, alors par là-bas. Bon, je me permets de poser une question moi aussi, comme je suis là, vous m'excuserez. C'est les privilèges présidentiels. Bon, oui, un petit c'est privilège. C'est pas démocratique. Vas-y, vas-y. Alors, donc tu as bien mis en valeur le fait que le capitalisme, dans sa version moderne, est associé à une forme de subjectivité. Ce n'est pas une question de forces organisées sur le plan de la production ou de la superstructure. Donc, il y a un désir. Ce capitalisme est capable de susciter un désir spécial que tu as isolé sous la forme du désir d'Occident. C'est un terme extrêmement, quand même, c'est un concept extrêmement puissant et original. Or, ce désir d'Occident, comme tu le démontres, comme on peut le constater facilement, c'est un désir orienté par la catégorie de l'objet. C'est un désir orienté par des objets de consommation, des objets de jouissance, etc. etc. C'est l'objet qui organise ce désir. Il faut donc inventer, pour y faire face, Tu fais valoir quand même qu'il faut inventer et mettre au fondement de cette nouvelle politique que tu préconises un nouveau désir. Il faut un nouveau désir comme opérateur de construction d'une nouvelle subjectivité. Ce désir, si je suis le mouvement de ta pensée, ne saurait être suscité, ne devrait absolument pas être suscité par des modalités objectales. À quoi ce désir serait-il apparié, associé? Est-ce que ce que tu appelles la vérité, les vérités, les quatre vérités, la vérité dans sa version, disons, badiousienne, aurait justement fonction de suscitation de nouveaux désirs? Je pense, là, c'est une discussion compliquée, ça. Mais je voudrais dire un point. Je pense que quelque chose qui est tout à fait absent du type de modernité proposé par le capitalisme dans la figure, en effet, finalement, du désir de marchandise, enfin, au sens général du terme. Chose tout à fait déjà présente dans Marx, à travers l'analyse du fétichisme de la marchandise. Donc, une chose qui, je crois, peut être expérimentée dans la figure d'une, entre autres choses, d'une nouvelle politique, c'est la découverte du fait qu'on est capable de quelque chose dont on se croyait incapable. C'est ça qui, moi, ouvrirait la piste. C'est-à-dire, ce ne serait pas le désir d'un objet déterminé, mais ça serait l'inclusion dans des situations telles que dans cette situation, on découvre une capacité propre du sujet, qui est une capacité dont lui-même se jugeait ou se croyait incapable. Le capitalisme, en tant qu'organisation de la production, est une théorie des capacités fixes. C'est pour ça que le deuxième point, la question de la division du travail, est essentielle. Il ne faut pas l'oublier par rapport au premier point, la question de la propriété. Le capitalisme, c'est une théorie selon laquelle, finalement, idéalement, chacun devrait avoir la place dont il est capable. Voilà. Ce que le capitalisme appelle la justice, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a remplacé égalité par équité. Ce qui est équitable, c'est que chacun ait ce qu'il mérite, quoi. C'est-à-dire ce dont il est capable. S'il n'est pas trop capable, mais il n'aura pas grand-chose. Voilà. Et s'il est très capable, il aura. Or, je pense que la régulation du désir par la capacité, c'est précisément ce qui s'oppose absolument à la figure communiste telle que je la vois. C'est-à-dire, au contraire, il faut poser l'égalité formelle en supposant toujours que tout sujet est capable, en réalité, de quelque chose dont il n'est pas capable, c'est-à-dire de quelque chose dont lui-même ne se croit pas capable. Et c'est ça qu'il expérimente, en vérité, dans le bonheur réel, c'est-à-dire dans le fait que d'être dans une expérience qui transfigure réellement son existence, non pas du tout parce qu'il fait ce dont il est capable, mais parce qu'il fait ce dont il ne se croyait pas capable. Alors, est-ce que cela peut commander un désir ? C'est-à-dire le désir d'être capable de ce dont on n'est pas capable ? Je pense que oui. Je pense que oui, absolument. Et je pense que c'est ça le désir qui constitue le fond le plus créateur de l'humanité en général. Et là-dessus, quelles sont les médiations de ce type de désir ? Ce sont rarement des objets, ou presque jamais des objets. Ce sont évidemment des choses qui sont du registre de l'acte, de la création, de la collectivité, et qui, en réalité, ont une signification universelle, parce que la possibilité de ne plus être enfermé dans les cloisonnements de la capacité, c'est tout de même un accès à ce que peut être l'humanité en général. L'humanité décloisonnée, l'humanité qui n'est plus enfermée dans des spécialisations, des capacités, des genres, des nations, etc., etc., mais qui ouvre la possibilité pour chacun d'expérimenter réellement l'univers finalement infini de ce dont il est capable, c'est-à-dire se sortir du côté purement fermé et fini de la capacité telle que l'organise le capitalisme.